Autrefois, en Afrique, il y a très longtemps, un serpent python. Il vivait dans un pays qui s'appelle le Cameroun et une région qu'on appelle le Bamileke. C'était un python mangeur d'hommes et tout le monde avait peur de lui. Il mangeait toujours les hommes de la même façon. Il les avalait tout rond en commençant par les pieds. Bien entendu, les habitants de cette région, les Bamileke, avaient trouvé un truc pour ne pas être mangés. Ils s'endormaient les jambes écartées. Le python gobait d'abord une jambe, puis, se trouvant bloqué, il renonçait à sa proie et disparaissait tout dépité. La vie n'était cependant pas drôle pour cette tribu. Le danger restait présent et tout le monde se moquait des Bamileke qui faisaient la sieste d'une si curieuse façon.